Un vieux, une vieille sur Europe 2. Présenté par Stéradan, les chaussures Scholl et Thermolactyle d'Amar. Bon, alors, comment ça marche? Maman, regarde. Je sais pas, j'ai pas très confiance dans ce. Mais si, moi, regarde, allez, rien, on fait sais. Par Internet. On se connecte d'abord, on va se connecter. Alors, attends. Voilà, on se connecte, c'est bon, on va être sur le site. Regarde, alors, quand t'es sur le site, là. Voilà, bonjour et bienvenue sur le site internet du Trésor public. Pour faire votre déclaration d'impôt en ligne, tapez votre numéro. Bon, alors c'est facile. Voilà, c'est bon. Merci, vous allez maintenant remplir notre formulaire. Lorsque vous avez fini, appuyez sur entrée. Bon, alors le formulaire, moi je mets mon nom Flousier, Jean-Michel, entrée. Moi ça m'agace. Pour calculer le montant des charges déductibles DDS RTT RPA, vous devez taper le coefficient directeur de votre solde maximal de revenus de l'année 2002. Bon, maman, laisse-moi, c'est compliqué, il faut des papiers, laisse-moi. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, mon jeu. Hein? Vois ça, Ouais. Elle est partie. Ok. Bonjour et bienvenue sur le site de Fouette-moi avec une chaîne de vélo magazine. Ouais. Tapez votre pseudo. Alors, hop, gros loulou 75. Hop. Gros loulou 75. Ouais. Et votre pseudo. Vous êtes à votre 37 000e visite sur notre site. Alors, je vais prendre la poupée là. Voilà, qu'est-ce que ça. Pour commander la poupée suédoise à tête pompeuse, tapez votre numéro de carte bancaire. Voilà, alors, je vais prendre ça, mais je vais prendre aussi le truc en dessous là. Voilà. Vous avez commandé le développement. King Size avec la crème d'application pour un montant total de 192 euros. Voilà. Ça va mon loulou, tu t'en sors? Oui. Pour calculer le seuil maximal imposable sur l'impôt sur les grandes fortunes, vous devez calculer absolument votre taux de revenu sur l'année 2002 ainsi que votre cumul de points sur l'année 2002-2003. T'as vu, ça marche, hein, c'est compliqué. Allez, j'éteins ton internet des impôts. Hein, allez. Le site Fouette-moi avec une chaîne magazine. Vous remercie de votre visite. Allez, arrête. Oh. Non, c'est rien, non, je t'expliquerai. Laisse. Un vieux, une vieille sur Europe 2. Présenté par Stéradan, les chaussures Scholl et Thermolactyle d'Amar.